de vite. Tu regardes et tu likes pas. Ah. Ok. Ouais, je vais m'en sortir toute seule. Ma réussite fout le seum. Je fais gaffe à mon pif comme tu fais gaffe à ton pif. Ouais, je vais m'en sortir toute seule. Ma réussite fout le seum. Je fais gaffe à mon pif comme tu fais gaffe à ton pif. Ok, je crois que c'est l'heure de les mettre à l'amende comme un contrôleur. Éviter tous ces potes qui me forcent l'œil. Plusieurs cordes à mon arc sur qui est question. Fini en deuil. Dans ce game là je n'ai aucun souci. Des imitations qui me portent préjudice. Non mais t'es qui toi? Dis-nous tu fais quoi? Ouais, je vais m'en sortir toute seule. Ma réussite fout le seum. Je fais gaffe à mon pif comme tu fais gaffe à ton pif. Ouais, je vais m'en sortir toute seule. Ma réussite fout le seum. Je fais gaffe à mon pif comme tu fais gaffe à ton pif. Ok. Amour pousse à la guerre. La guerre pousse à la perte. Je préfère rester solo et pas finir. Qui sera avec moi quand vite seront mes poches? Je préfère rester solo et pas finir à terre. Qu'on m'étrime pour vivre dans mon ghetto. Les petits se montrent comme une galop. Trop de mecs sous malade dans le bendo. Trop de boss avec maman solo. Qu'on m'étrime pour vivre dans mon ghetto. Les petits se montrent comme une galop. Trop de mecs sous malade dans le bendo. Dans la demeure, dis-moi qui te répond. Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Ouais, je vais m'en sortir toute seule, Marie.